vapeur, toucher de ta peau contre ma peau, te sentir près de moi, avec tes doigts tout contre moi. Ce que je désire, oui de toi, c'est ton amour, et rien que ça, ton visage hante mes nuits, et dans le noir, je me réveille en sursaut et je te vois loin de moi, avec une mer autre que la mer, et ça heurte mon système, heurte mon système. Ces défauts que tu me donnes ne sont qu'illusions. J'ai changé à présent, reviens. Je me réveille en sursaut et je te vois loin de moi, avec une main autre que la mienne, et ça heurte mon système, heurte mon système. De ta peau contre ma peau, te sentir près de moi, avec tes doigts tout contre moi. Ce que je désire, oui de toi, c'est ton amour, et rien que ça, ton visage hante mes nuits, et dans le noir je me réveille en sursaut, et je te vois loin de moi, avec une main autre que la mienne, et ça heurte mon système, heurte mon système. Tu heurtes mon système.